Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Donc bonjour, bienvenue sur Radio Fadjet, aujourd'hui en présence de Louise Pressager. Bonjour Romain. Bonjour Louise, ça va bien ? Oui, ça va bien et vous ? Ça va, c'est super. Donc aujourd'hui Louise est présente dans l'émission parce que tu fais une inauguration actuellement à la MJC Lillebonne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette exposition, Louise ? Bah alors déjà, c'est ma toute... Enfin, moi, je suis née à Nancy, c'est ma toute première exposition personnelle dans ma ville. Et au niveau thématique, c'est une exposition qui porte presque entièrement sur la thématique de la santé mentale, à la fois, on va dire, la folie en général et puis ma folie particulière avec un peu des allers-retours entre le côté autobiographique et puis des choses un peu plus générales et théoriques voilà, sur le sujet. D'accord. Alors le sujet de la santé mentale, on y reviendra dans la seconde partie, puisque là c'est la thématique de ton exposition. Tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours dans la vie, puisque j'imagine que tu n'as pas toujours été artiste ? Non, effectivement. Alors moi, je suis fille de deux profs d'art plastique quand même, donc tout ça ne vient pas de nulle part. Par contre, au niveau de mon parcours d'études, etc., ça n'a vraiment rien à voir, puisque j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Et puis ensuite, j'ai eu plusieurs emplois, à la fois dans le secteur tertiaire, des boulots en open space. Voilà. J'ai été un tout petit moment dans le journalisme aussi. J'ai fait de la saisie informatique, donc là, un métier vraiment de copier-coller. Et puis, j'ai travaillé aussi en psychiatrie, dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu faisais dans un hôpital psychiatrique ? Parce que comment on passe d'un parcours en fac de droit, en sciences politiques, et à travailler ensuite en univers hospitalier psychiatrique. Qu'est-ce qui t'a amené ? Alors en fait, c'était à une époque où j'avais déjà une activité d'artiste, mais en parallèle de boulot alimentaire. Donc là, je travaillais dans un open space à mi-temps, on va dire. Tu faisais quoi dans cet open space ? Alors c'était une société qui faisait de ce qu'ils appellent du catalogage culturel. Ils proposent des bases de données pour les médiathèques, les libraires, les disquaires, les centres culturels Leclerc. C'était un univers créatif déjà, quand même artistique, même. Oui, enfin voilà, plus ou moins, on va dire des emplois un peu de bureau, mais quand même dans le secteur culturel. Mm-hmm. Et puis j'ai entendu parler par un article du Monde d'un dispositif expérimental qui se montait, qui s'appelait les médiateurs de santé les médiateurs de santé pairs, très exactement, qui consistait à intégrer des anciens patients de psychiatrie dans les équipes de soins. C'est un truc qui est piloté par l'OMS, enfin une antenne de l'OMS. Et j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me suis dit, ça me permettra de sortir de mon open space et puis d'aller faire quelque chose qui soit un peu plus tourné vers les autres. Donc voilà, j'ai fait ça pendant à peu près un an et demi, deux ans. Et puis ensuite, la vie d'artiste est devenue un peu trop envahissante pour que je puisse continuer. Voilà. Et tu t'es jeté dans l'art, dans les bras de l'art À 100%, ouais. D'accord. Alors quand même, donc ce parcours, donc fois que t'as fait quoi en droit, t'es allé licence, maîtrise ou... Je suis allée jusqu'au master 1 à Nancy. Après le parcours général, j'ai fait du droit public, master 1 droit public. Ensuite, j'ai fait un master 2 où là, c'était déjà un peu plus axé culture à Strasbourg, à Sciences Po Strasbourg. C'était politique et gestion de la culture, ça s'appelait. Et puis, j'ai fait un deuxième master 2 en droit de l'audiovisuel. D'accord. Donc, j'ai fait pas mal d'années d'études qui ne m'ont pas servi à grand-chose. D'accord, parce que t'en fais quoi ? C'est un sacré bagage quand même d'être allé aussi loin. Alors, je pense que ça m'a renforcé dans un côté un peu sur-organisé, un peu psychorigide que je peux avoir, toutes ces études de droit et tout ça. Donc ça me rend assez méthodique. Et puis ça, tout bêtement, ça me donne aussi un peu une connaissance d'autres milieux professionnels, d'autres univers, d'autres types de gens que ceux qu'on rencontre dans l'art. Par contre, je dirais pas que ça me sert beaucoup dans mon activité artistique, le droit en tout cas. Mais alors, est-ce qu'il y a un moment, quelque chose qui te fait basculer ? Parce que tu disais que tu as des parents qui étaient dans les arts plastiques. Oui. Et toi, pour autant, tu choisis une autre matière finalement ? Avant de revenir à l'art, est-ce qu'il y a eu un point de bascule? Comment t'es revenu à l'art finalement? En fait, j'ai assez vite compris que enfin, bon, déjà, j'avais quand même passé le concours des arts déco de Strasbourg en terminale. Et finalement, je l'avais eu, mais j'avais décidé de pas y aller parce que j'étais très très scolaire et du coup, mes profs avaient tendance à m'encourager à faire un truc plus général parce que j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire et donc voilà, ils me conseillaient plus Sciences Po, etc. Mais je me suis assez vite, enfin, je griffonnais déjà en parallèle. Et assez vite, je me suis rendu compte que même des boulots dans le secteur culturel, mais qui ne soient pas des boulots d'artiste, ça n'allait pas me plaire, enfin, ça n'allait pas me convenir. Donc, le glissement s'est fait un peu naturellement. Enfin, voilà, j'ai... Et pour autant, quelques années plus tard, t'abandonnes pour revenir à l'art ? Enfin, j'ai jamais abandonné. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai commencé, c'est toujours resté en parallèle des autres boulots. J'ai toujours continué... Mais là, cette dimension... T'es quelqu'un d'organisé, de méthodique. Peut-être qu'effectivement, l'art, les arts visuels pouvaient sembler peut-être a priori plus simple par rapport à un côté technique et pour lesquels tu étais peut-être plus prédisposé a priori. Et puis finalement, tu reviens aux arts visuels. Ouais. Voilà, donc ok, super. Donc, tu as un humour, donc il faut préciser, là, je te rends compte par rapport aux arts visuels dans le cadre de l'émission Portrait d'artiste, oui. Mais tu es aussi chanteuse. Oui, effectivement. Donc, les deux versants sont nés un peu en même temps, même je dirais les paroles de chansons, parce que c'est surtout, moi je suis surtout parolière et chanteuse, mais je travaille avec un compositeur parce que je suis incapable de composer la moindre mélodie valable, donc je travaille avec un compositeur qui s'appelle Ferdinand Bayard. Et en fait, je pense que j'ai plutôt commencé par écrire des paroles de chansons et le dessin s'est un peu greffé dessus. J'aime bien dire en fait que c'est dans le même, on commence par faire des boucles d'écriture, puis ça devient des dessins progressivement, mais en tout cas c'est un peu dans un même geste, dans un même élan. Mais un peu par hasard, c'est les arts plastiques qui sont imposés en premier, parce que j'avais participé à un salon d'artistes émergents qui s'appelait le Salon de Montrouge, dans lequel j'avais eu un prix, et puis du coup ça enchaînait sur d'autres expos, etc. Donc j'ai été assez vite emportée dans l'univers des arts plastiques, et je continuais à écrire des paroles de chansons, mais pour d'autres gens. Et puis il y a un moment où en gros mes textes sont devenus un peu trop personnels pour qu'ils puissent être chantés par quelqu'un d'autre. Et donc, Ferdinand, dont je vous parlais, m'a dit « ça serait peut-être pas mal si tu chantais les chansons que tu écris ». Et c'est là que, voilà, que j'ai vraiment... Donc, t'es parolière, et c'est vrai que là, si on écoute ce que tu fais plus récemment, il y a un univers qui est un petit peu décalé. Qui est un peu le même, hein, d'ailleurs, un peu le même, je dirais, dans les... Que ton univers graphique. Ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint pas mal. Ouais. Même si je pense que dans la chanson, peut-être qu'il y a un peu plus de côté un peu romantique que je m'autorise un peu plus dans la chanson, peut-être parce que souvent j'écris sur... Souvent c'est Ferdinand qui me donne des mélodies en yaourt, comme on dit, et j'écris dessus. Et je pense que le fait d'écrire sur de la musique, ça induit un peu plus peut-être de romantisme, de trucs un peu poétiques qui sont moins présents, je dirais, dans mon univers visuel qui est peut-être un peu plus caustique. C'est peut-être la différence. D'accord. Bon, écoute, super, Louise. Donc là, on va arriver sur notre fin de première partie. Oui. Et justement, ça va être l'occasion de découvrir la musique que fait Louise. Louise, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter comme titre, alors ? Alors, comme on est juste à côté d'un espace où cette chanson, enfin, le clip de cette chanson va être diffusé, je vous proposerais bien Rendez-vous manqué, qui est une chanson, une ballade, on va dire, une ballade pop... avec du piano et aussi des arrangements électroniques, qui a un sujet assez particulier puisque ça parle du transfert en psychiatrie, donc un peu de l'attachement excessif que le patient peut avoir pour son thérapeute, mais d'une manière totalement imagée. Donc je pense que si je ne vous donnais pas ce thème, ça ne pourrait pas se deviner vraiment dans les paroles. On va écouter tout de suite. Donc tu nous rappelles le titre ? Alors c'est Rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué de... Louise Présager, à tout de suite pour la seconde partie. Peur personne ne décoiffe les franges de mon tapis, personne ne froisse les pages de mes revues. Le vide pour seule politique, mes chaises dans une ronde sans musique, ma table basse à le tournis. Comme une salle d'attente où personne n'entre, j'attends un docteur qui ne viendra plus. Personne ne me cherche au sous-sol pour les vacances. Là dans ma housse, je moisis seul, je sens le rance. On me déplie en deux secondes, on me fait faire le tour du monde, on me démonte et on m'oublie. Comme retour sur le plateau de l'émission Portrait d'artiste avec Louise Pressager qui va nous développer maintenant un peu plus son univers artistique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Louise ? Bah, alors déjà, je dirais qu'il y a des thématiques obsessionnelles qui peuvent coexister, mais qui parfois se succèdent aussi les unes les autres. Mais depuis le début de mon parcours, je dirais qu'il y a eu beaucoup la religion chrétienne en particulier. Il y a beaucoup la question du travail, et surtout du travail dans le secteur tertiaire. Il y a les questions de genre et d'identité sexuelle. Il y a la santé mentale donc qui est là, qui est omniprésente dans cette expo, et puis pas mal aussi la famille, voilà. La famille, donc d'accord. Ça c'est au niveau des thématiques. Et puis au niveau formel, en fait j'utilise vraiment beaucoup de techniques différentes, mais sans en maîtriser aucune vraiment bien, mais je passe un peu de l'une à l'autre. Donc j'ai commencé beaucoup par du dessin au trait un peu minimaliste et puis plutôt humoristique. Oui, d'accord, mais toi personnellement, tu avais appris la peinture, ou c'est par ton environnement familial que tu es allé vers ces univers sans faire d'école? Moi, j'ai jamais eu de formation. T'as pas fait une école d'art? Non, du tout. Alors effectivement, l'environnement familial a fait que j'ai vu beaucoup d'expos. T'as toujours été curieuse de l'art par rapport voilà, dans l'environnement. Par contre, j'étais pas forcément un enfant qui dessinait beaucoup. Ça s'est révélé plus tard. Oui, mais je pense qu'en même temps, on sent dans les dessins que ça reste assez naïf et que je pense que le, enfin voilà, que la technique n'est pas ce qui est le plus présent dans mes dessins. C'est un art aussi. C'est vrai que ça peut sembler naïf, mais c'est très bien fait, c'est très précis, c'est pas si simple. En fait, ce qui m'importe le plus, c'est que ce soit assez direct et minimaliste. Donc, j'ai tendance à essayer de d'épurer les choses progressivement. Mais du moment que j'ai l'impression que le dessin est compréhensible, j'essaye pas d'en rajouter au niveau plastique, on va dire. Tu vas pas surcharger, tu préfères qu'on ait une bonne compréhension de ton art, avec effectivement quelque chose d'assez minimaliste, qui est pas si simple à réaliser au demeurant, mais c'est la façon dont tu t'exprimes. Donc là, tu nous présentes une exposition qui s'appelle « Je te tiens, tu me tiens ». Oui. Alors, et tu explores pour la première fois la couleur et le grand format. Donc là, à l'MJC Lillebonne, il y a une grande fresque. Oui. Ça, c'est une première, alors c'est une nouveauté. De cette taille-là, oui, j'avais déjà fait quand même quelques... Enfin, j'avais déjà fait des peintures murales dans une précédente... J'en ai déjà fait quelques-unes, mais c'est assez récent, effectivement, le passage à la couleur et au grand format. Je dirais que ça fait, oui, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Là, c'est la plus grande... Elle fait 5 mètres 50 à peu près de long sur 2 mètres 50 de haut, donc c'est une sorte de presque une, c'est pas vraiment une frise, mais presque une sorte, ouais, voilà. C'est chouette, hein, ouais. Avec le phare au bout, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette fresque, de ce qu'on voit là? Oui, alors ça s'appelle l'Arche de Noé et la Nef des Fous. Et donc c'est un peu la rencontre, y a deux embarcations du coup, et j'ai mélangé donc le mythe religieux de Noé avec le déluge, etc., avec la Nef des Fous, qui est plus une imagerie qui est apparue, je pense, au Moyen-Âge pour parler de la folie. Mmh. C'était des bateaux, en gros, où on envoyait les fous pour s'en débarrasser, enfin voilà, puis avec une connotation un peu négative, ou dans les représentations picturales et tout ça, c'était les fous symbolisaient un peu la débauche de la société, enfin voilà. On ne cherchait pas à les sociabiliser à l'époque, c'était plutôt ça. Mais alors là, c'était un peu dans l'idée que là, au contraire, on allait les... Enfin, qu'il n'y a que les animaux et les fous qui seraient bons à sauver du déluge. Ouais. Sauver, c'est voilà. Ça. Mais évidemment, bon, voilà, c'est au second degré, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Voilà. Et puis je pense que j'ai pas mal un peu cette envie de créer un peu ma propre mythologie de la folie, comme ça, avec la... avec des personnages qui reviennent dans tous mes travaux. Les psychiatres, je les dessine toujours comme Freud, avec une barbe et tout. Enfin... Pourquoi cet univers beaucoup sur la santé mentale? Alors, pas uniquement, hein, puisque on a vu, tu nous as dit aussi que tu parlais de la transidentité, ou encore de la précarité, avec une certaine légèreté, on le retrouve bien dans tes chansons. Mais par exemple, tu fais référence aux travaux du psychanalyste Donald Winnicott. Oui, alors là, ça m'intéressait parce que y a beaucoup quand même, d'ailleurs ça se sent dans le titre de l'expo, Je te tiens, tu me tiens, qui vient donc de ce jeu de la barbichette, là, où, voilà, avec la petite chanson. Et c'est vrai que la thématique du jeu m'intéresse beaucoup. Et ce psychanalyste, il a un peu théorisé le jeu en le divisant en deux catégories de jeux, qui seraient le playing, enfin c'est il est anglo-saxon, donc c'est en anglais, qui serait le jeu spontané des enfants, enfin voilà, quand on joue à... On dit qu'on serait deux princes, voilà. Ouais. Et puis de l'autre côté, le jeu plus encadré par des règles un peu adultes, qui peut être le jeu de société, mais aussi moi où je case aussi le monde du travail et tous les univers où il y a beaucoup de règles, et bah, dont l'univers psychiatrique au sens hôpitaux psychiatriques, etc., qui sont des endroits très très encadré dans des règles strictes. Et pourquoi, alors tu connais les hôpitaux psychiatriques? Oui, bah moi j'ai été à la fois, je connais assez bien parce que j'étais à la fois patiente et j'ai travaillé aussi en psychiatrie, donc c'est un univers que je connais un peu des deux côtés. D'accord. Donc qui forcément me hante un petit peu, quoi. Et ouais, puis, donc... surtout que voilà, c'est quand même un univers un peu à part, donc. Donc tu avais envie de t'exprimer par tes créations, par ton œuvre, de aussi dire quelque chose par rapport à cet univers qui est singulier, voilà. Et puis qui demande pas mal à être déstigmatisé, quoi. Mm-hmm. Même si ça progresse beaucoup de ce côté-là et tout ça, mais D'accord, voilà. Puis tu as aussi, tu reviens aussi sur le monde du travail quand tu parles de tes expériences en Open Span. Qu'est-ce que tu as pensé du monde du travail par rapport à ton expérience? Moi, j'y suis assez inadaptée parce que pour moi, les rapports d'autorité, enfin, c'est-à-dire que je n'arrive ni à recevoir des ordres ni à en donner, ce qui est assez gênant dans le monde du travail. C'est-à-dire, si on me mettait un stagiaire, c'était l'enfer pour moi parce que j'osais rien lui dire. Et puis inversement, je supportais mal les ordres qu'on me donnait, ouais. Etc. Par contre, les relations humaines que ça... Enfin, c'est le côté solitaire de la vie d'artiste me pèse parfois un petit peu. C'est-à-dire, il n'y a rien de tel que le monde du travail pour voir des gens tous les jours, on va dire. Donc c'est un endroit de rencontre sociale souvent s'arrête aussi vite que le travail s'arrête. Oui, et puis qui soude, on est soudés dans l'adversité, souvent, je veux dire, si on a une hiérarchie un peu, enfin voilà, ça crée des relations très fortes. Probablement. D'accord, donc ce monde, donc le côté, le lien de subordination d'une façon générale, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est vrai que c'est la relation de travail qui entraîne ce lien, en fait, qui n'existe que dans le cadre d'une relation de travail, d'ailleurs. Hein. On n'est plus sur un pied d'égalité. Ok. Donc, on a ce mode d'expression de Louise, qui est à la fois un univers musical et un univers graphique. Comment vois-tu le dialogue entre ces deux formes d'expression dans ton travail ? Alors pour moi, ça se fait un peu tout seul parce que c'est les mêmes thématiques, c'est le même univers. Et puis, c'est-à-dire au départ, quand j'ai une idée, je ne sais pas forcément tout de suite si je vais l'exprimer en chanson, en image ou les deux, etc. Et puis, pour moi, le dialogue, il se fait déjà au niveau de l'écriture des paroles de chansons. Je pense que j'ai un langage très imagé. Donc, les images sont présentes déjà dans l'écriture elle-même. Et puis après, moi, je mêle beaucoup les deux univers, c'est-à-dire je mets des chansons dans les expos. Quand je fais des concerts, il y a des projections d'images derrière moi. Enfin, voilà, je les mélange beaucoup. Donc, tu lis... Je fais mes propres clips de chansons. Voilà, donc pour moi, c'est très, très lié. Et tu parles des mêmes choses, en fait. Alors après, il peut arriver qu'il y ait une chanson qui parle de quelque chose dont j'ai jamais parlé dans les dessins, mais en tout cas, c'est vraiment le même univers et la même réflexion, et avec quand même cette grosse différence qui est que pour moi, les arts plastiques, même si j'ai beaucoup de coups de main de mes proches et tout ça, c'est une pratique que je mène quand même pas mal seule. Alors que les chansons, on est vraiment deux avec mon collègue Ferdinand qui écrit la musique. Et donc, il y a vraiment une sorte de ping-pong entre la musique et les textes. Et donc, c'est pas du tout la même... Enfin, c'est pas du, au niveau. La co-construction, voilà, la créativité. Ça. Ouais, ouais, exactement. Et lequel des deux univers t'intéresse le plus, la co-construction avec Ferdinand ou travailler. Moi, les deux me plaisent beaucoup. Mon domaine de cœur, quand même, c'est plus la chanson. Enfin, je veux dire, j'ai été bercée plus par la. J'ai beaucoup plus écouté de chansons que qu'était intéressée par des plasticiens. Mmh. Donc voilà. Par contre, vraiment au niveau de ma pratique, les deux m'intéressent autant, je dirais. Ce qui me tient peut-être un peu plus à cœur dans la chanson, c'est le fait que ce soit une forme plus populaire. Enfin. Les arts plastiques, ça tente de s'ouvrir, heureusement, mais il y a quand même certains événements qui sont quand même assez élitistes et qui voilà, où on sait que le public ne sera pas forcément mélangé, etc. C'est vrai que ça peut être plus élitiste, oui, par certains aspects. Ouais, ouais. D'accord. Donc là, aujourd'hui, donc tu es à la MJC Lillebonne. Tu es à la MJC Lillebonne jusqu'à quand, Louise ? Donc l'exposition, le vernissage allait le 28 février. Oui, alors là, on sera peut-être passé au moment où l'émission passera sur les ondes. Voilà, et ensuite ça reste en place jusqu'au 5 avril, avec une étape importante qui sera le 30 mars, donc un concert projection. Le 30 mars, donc ouais, là, voilà, on a le temps de l'annoncer. Alors le 30 mars, qu'est-ce qui se passe, Louise Présager, en concert ? Le 30 mars, on fait l'AMJC Lillebonne et à plusieurs belles salles qui se prêtent à faire des concerts. Mmh. Et donc nous, on va en faire un dans la salle qui s'appelle le Théâtre de Poche de l'AMJC. Donc je serai accompagnée par Ferdinand, qui donc est non seulement le compositeur, mais aussi l'accompagnateur de toutes les chansons. D'accord. Et donc on va donner un concert qui sera accompagné d'une projection d'images parfois animées, dont la plupart ne sont pas présentes dans l'expo d'ailleurs. D'accord. On jouera entre autres les chansons des clips qui sont diffusés ici. D'accord. Il y aura une chanson inédite qui est vraiment en dialogue avec la fresque dont je vous ai parlé. Qui est pour l'occasion. Voilà. D'accord, le 30 mars, MJC Lillebonne, ouais. Louise Présager et Ferdinand Bayard. Alors voilà, donc date à retenir. Pour conclure l'émission, Louise, qu'est-ce que tu peux nous dire encore ? Venez nombreux. Venez nombreux. Où est-ce qu'on peut retrouver on peut te voir sur Internet. J'ai un site internet qui est sous mon nom, donc www.louisepressager.fr. Je suis pas mal présente sur Instagram. Et puis, toutes les chansons sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Si on recherche un peu dans les moteurs de recherche... On trouve assez facilement. Mademoiselle Louise Présager, on trouve. Oui. Bon, super, merci infiniment pour ta participation à cette émission. Merci à toi, Romain. À très bientôt, Louise. À bientôt.